Biologue, le point sur la circulation. Écoutez. Et maintenant, le point sur la circulation en direct du PC de Ronnie. Le retour de ce long week-end se passe pour l'instant normalement. Les automobilistes ont suivi les conseils de Bison Futé et ont échelonné leur retour. La circulation reste donc fluide sur l'ensemble du réseau. Pourtant, quelques ralentissements sont signalés sur l'autoroute du Sud, à partir du péage de Fleury-en-Bière et à l'entrée du tunnel de Fourvière dans le sens Province-Paris. Un accident sur la N23, à la hauteur de la Ferté-Bernard, a bloqué la circulation et provoqué un bouchon de 2 km. Une déviation est mise en place. Répétez. Et maintenant, le point sur la circulation en direct du PC de Ronnie. Le retour de ce long week-end se passe pour l'instant normalement. Les automobilistes ont suivi les conseils de Bison Futé et ont échelonné leur retour. La circulation reste donc fluide sur l'ensemble du réseau. Pourtant, quelques ralentissements sont signalés sur l'autoroute du Sud, à partir du péage de Fleury-en-Bière et à l'entrée du tunnel de Fourvière dans le sens Province-Paris. Un accident sur la N23, à la hauteur de la Ferté-Bernard, a bloqué la circulation et provoqué un bouchon de 2 km. Une déviation est mise en place.